Bonsoir et bienvenue à une autre émission de l'Opineur du Chef. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle soirée, que la journée a été belle, enfin le soleil, dit-on. Et que cette soirée s'annonce belle pour vous. Je suis avec vous jusqu'à 10h ce soir. Je m'appelle Denis Barry et puis j'ai grand plaisir à être là. Je salue Michel Drolet qui nous a si bien raconté le spectacle de Great Lake hier soir au Cabaret du Capitole. Je sais que plusieurs d'entre vous y étiez, peut-être que d'autres n'y étaient pas. Ce que je retiens des propos de Michel, c'est que Great Lake était accompagné d'une bande sonore, en tout cas, c'est discutable, là. En tout cas, c'est les musiciens de cette pointure-là, j'imagine, qui... Et la bande sonore, semble-t-il, n'était pas tout à fait à la hauteur du personnage qu'a Great Lake. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un genre de mythe, Great Lake. On l'a connu avec tout plein de groupes, là, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Asia, en tout cas, les gens passent. Alors, en ce qui nous concerne, on va passer 2 heures ensemble. La première demi-heure, je sais pas ce qu'ils mettent dans les repas congelés, mais en tout cas, ça a donné un coup et ça va se ressentir par la musique qui est assez up-tempo, merci, et qui relate une époque. Et cette émission, d'ailleurs, n'est pas tellement déroutante à cet égard-là. Alors, c'est juste comme ça de vous laisser, je dirais pas bercer pour la première demi-heure, mais peut-être pour les deux autres, trois autres demi-heures, mais ça va être un peu plus... dans le tempo habituel. Et vous demandez-vous comment vous vivez ça, le centenaire du Titanic. J'entendais ça, moi, aujourd'hui, dans une autre station, et j'écoutais le... Comment il l'appelle, le gars qui parle à la radio, là? L'annonceur. Mais c'est ça, l'animateur. L'annonceur, c'est plus pour le codisier puis le forum. Il racontait que les musiciens qui, vous savez tous, c'est toute l'anecdote là, que les musiciens ont joué là, jusqu'à la fin, là, jusqu'à temps que les pieds dans l'eau, puis encore, je pense qu'il y avait le violon dans l'eau, puis il joue encore. Le chef d'orchestre de cet orchestre-là est le seul musicien qu'ils ont retrouvé, et que sa femme lui avait offert un violon avant son dernier voyage. Et c'est le seul gars de l'orchestre dont ils ont retrouvé le corps. Et il avait malheureusement pas de violon, mais il avait la caisse du violon dans ses mains, quand même. Et ils vont sortir un disque de la musique de ce gars-là, dont j'ai pas le nom, mais on pourra toujours le savoir, un de ces quatre. En tout cas, j'imagine que pour vous, ça peut représenter tout plein de souvenirs, d'événements, et c'est quand même pas rien, là, cette histoire-là. Alors, il y a l'Empress of Ireland, vous allez me dire, c'est vrai. On en a pas assez parlé comparativement à l'autre. Mais là n'est pas l'objet. Alors l'objet, c'est de d'écouter de la musique. Je vous souhaite une belle soirée à vous tous et toutes. Et je pense à toi là, qui écoute à l'autre bout du monde, ou pas loin ici, à Limoilou. Moi, je suis au coin de la 3e avenue de la 4e rue ici. Et je vous souhaite une bien belle soirée à l'antenne de CKRL. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on.

my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. My heart, but I love it just the same. Now hush, hush. I thought I heard her calling my name. Now hush, hush. I need her loving and I'm not to blame. Now I got her early in the morning, I got her late in the evening. Oh, well, I want and need it. Oh, I gotta have it. She got loving like quicksand. Only took one touch of her hand. Blow my mind. But love it just seemed now hush, hush. Thought I heard her calling my name. Now hush, hush. I need the loving and I'm not to blame. Now you got her early in the morning, you got her late in the evening. Oh, I'm on that need it. Hey, I gotta have it. And as the years go by,

Mississippi moon, won't you keep on shining on me? The black water, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no hurry. To me. Just take that streetcar that's going uptown. Yeah, I like to hear some funky Dixieland and dance a honky tonk. And I'll be buying everybody drinks all around. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon, keep on shining on me. Oh, Blackwater, keep on rolling. Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Keep on shining your light. Gonna make everything gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no hurry at with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I want a honky tonk, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I want a honky tonk, take me by the hand. Pretty mama, come and dance with your daddy all night long. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I'd like to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand. I want to hear some funky Dixieland. Pretty mama, come and take me by the hand.

yours is no disgrace. Yours is no disgrace. Yours is no disgrace. Il est 9h03 et vous écoutez CKRL MF à Québec et c'est l'opineur du chef qui est en onde depuis 20h. J'espère que vous passez une belle soirée et que ça va bien de l'autre côté des haut-parleurs et que vous êtes encore en forme puisqu'on est encore ensemble au moins pour une heure ou presque. Ça passe tellement rapidement, ça passe vite de même hein, au bureau, c'est... tellement agréable. Mais, je sais pas pourquoi, hein, semble-t-il que c'est relatif tout ça. Il y en a pour qui ça passe extrêmement vite au bureau. On a entendu toutes sortes de choses, laissez-moi vous les présenter rapidement. On a entendu Yes, bien entendu, du disque de Yes, album. On a entendu Yours is No Disgrace. Malheureusement, j'ai trouvé de leur terminer ça un petit peu... top chrono, là, les pubs m'y obligent et le respect de l'horaire aussi. Alors voilà, tout juste avant eux, on a entendu Emerson, Lake & Palmer, Jérusalem, c'est un petit clin d'œil à la belle visite qu'on a eue hier à Québec avec Greg Lake qui chantait justement dans ce groupe mythique qui a fait les belles arts des années 70. Vraiment, là, 71, 72, 73, là, pour ceux et celles qui ont vu ces tournées-là, là. Ou qui ont eu leur disque, là, et puis qui avaient à peu près 17, 18 ou 20 dans ce temps-là. C'est un groupe qui a marqué aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le son qu'ils jouent en ce moment, c'est autre chose. J'imagine que ça n'a pas tout à fait la même résonance. Quoi qu'il en soit, la belle musique, ça demeure la belle musique, peu importe les années, peu importe l'âge, parce que je sais que l'auditoire se renouvelle d'année en année, que les enfants, des parents... qui écoutaient l'émission sont là pour plusieurs. Pas tous, il y en a qui sont mis à bout en se disant hey, je ferais pas comme mon père ou ma mère, j'écouterais pas ça comme ça tous les jeudis soirs. Quand même, peut-être qu'ils se rendent compte qu'à d'autres pas, c'est pas tout à fait évident tout le temps. On a entendu Genesis tiré du dernier disque avec lequel Steve Hackett avait joué, Wind and Wandering, et c'était d'ailleurs une de ses pièces. On a entendu In That Quiet Earth. Et voilà, c'était ça. Avant, on a entendu Shambhala, c'était tiré d'un disque qui s'appelle « Est-ce que tout vous apparaît normal ?» d'un groupe qui se nomme XL3 et qui seront en spectacle samedi soir qui s'en vient, là, le 14 avril, à la salle multi du complexe Méduse, c'est sur la rue Saint-Vallier, dans la côte d'Abraham, dépendamment de quel côté vous prenez ça. Et puis, ben, je fais partie de ce groupe et je vous invite personnellement à venir passer la soirée avec nous. Je pense pas vous le regretter. C'est un spectacle qu'on prépare avec Alain Audette et Régent Julien depuis longue date. C'est au corps de tour. Alors, si ça vous tente d'avoir un tour de soucoupe volante, ben, je vous en promets. Avant Shambhala, on a entendu les Doobie Brothers avec Black Waters. On a entendu aussi Piano Lesson, c'était Porcupine Tree du disque Stupid Dream. Avant, c'était As the Years Go By du groupe Mash McCann. Il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. Y a-t-il quelqu'un dans l'auditoire qui a pas vu ce groupe-là à la Polyvalente ou au Cégep ou quelque chose de genre? C'était le groupe avec Dionysos puis Slush et je vous ferai pas l'énumération de Pollen qui faisait les soirées les plus enlevantes, tu sais. Quel beau mot. Avec un Z. Deep Purple avec Hush. Avant eux, on a entendu Lovely to see you, my friend. C'était les mots des blues. Et à travers ça, on a entendu les Who avec I can see for miles and miles and miles. Je sais pas où je l'ai placé parce que j'ai déplacé des pièces sur l'échiquier, puis je me suis ramassé. On m'a amené à la placer autrement, je m'en excuse. Je suis certain là, que vous allez me pardonner ça. Je salue Odette qui me dit écouter l'émission de sa voiture dans son retour de travail le jeudi soir. Alors, si t'es là, Odette, c'est pour toi. Là, tu te fais dire bonsoir à la radio, là, en direct. Alors, c'est bien. Content de te savoir là. Bon retour. Sois prudent, c'est jeudi de paye à soir. Hein, tu sais, c'est toujours pas évident. Hein. C'est comme nez rouge, mais en plein mois d'avril, mais pas de nez rouge. J'ai parlé du Titanic tantôt en début d'émission et sur ma page Facebook, la page de Denis Barry, là, si vous cherchez Denis Barry, vous allez le trouver. Il y a des discussions, puis seulement ça jase de musique, tu sais, ça parle, ah oui, il fait jouer telle affaire, c'est bon, j'aime ça, j'étais à l'école secondaire, je sortais avec Chose Bin. Mais ce soir, il y a eu je sais pas combien de commentaires, mais c'est à peu près tous et toutes. Mais pas toutes, là. Toutes traitées du Titanic. C'est pas long, hein, que la mèche est allumée, puis ça part. Et puis là, ça y allait, là. Elle va être donc, tu sais. Là, c'était les... Tout le monde avait demandé un drink payé par le capitaine. C'est le bras du capitaine avant que ça coule. Puis il aurait dû le fesser de face, pas de côté, comme ça, il n'aurait pas tombé. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'allait pas couler, puis on n'en parlerait pas en tout du Titanic, mais là, qu'est-ce que tu veux? Il est rendu, ça fait 100 ans, puis il est en 3D, puis ça n'arrêtera pas, il y a un timbre, puis qu'est-ce qu'il y a là? Il y a plein d'affaires. Je vais vous raconter une chose, je vous fais jouer ma mère à l'occasion, là, qui me parle, puis qui dit que j'étais pas tannant, là. Mais ma mère, une fois, est allée le voir, le film. Le dernier film qu'elle est allée voir, c'était Ben-Hur. Ça vous dit à peu près le nombre de fois qu'elle va au cinéma, qu'elle allait, puisque maintenant, elle est du passé. Le dernier film qu'elle est allée voir, c'était Ben-Hur, puis là, elle va voir le Titanic avec la gang du foyer. La résidence, appelons-nous ça par un nom, hein, comment suis-je? Ils ont des noms, là. Alors, c'est ça, elle va voir le film. Quand le... Comment il s'appelle? DiCaprio, il arrive sur le bord de l'escalier, là, copé, là, tu sais, parce que la madame, elle y a passé son l'habit de son chum, son fils, là, je ne sais trop pourquoi qu'elle traîne ça dans ses bagages, d'ailleurs. Il était beau, en tout cas. Mais quand il est arrivé là, le cinéma a passé au feu. C'était carrément. Là, tous les sprinklers ont parti. Puis là, c'est le Titanic en avant. Tu sais, il n'y a pas assez d'eau dans ce film-là pour éteindre le feu. Elle m'a appelé le lendemain matin, puis elle a dit, Denis, pas sûr que ça va bien, là, elle dit, j'allais voir un film hier soir, là, de Titanic, et puis, le cinéma a passé au feu. En tout cas, vu que c'est ce match, j'ai pas raconté à la fin, là, mais en tout cas, quand elle est venue à l'appartement, après, j'ai fait jouer de vidéo, mais en tout cas, c'est bien abominable que ça finisse comme ça, ce film-là, parce qu'il était beau, quand même, DiCaprio. Voilà, c'était l'anecdote de l'opinaire du chef de ce soir. Alors, on va continuer comme ça. J'espère que la vie va nous scier jusqu'à la fin. Et puis, c'est la grâce que je vous souhaite. On s'en va encore un petit peu en énergie. Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching out for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So get squeezed out, edges get rough. Demographic gives what you want. One of the wonders of the world is going down. It's going the blunders of the world, and no one cares. No one cares enough. Now the sound of music comes in silver pills, engineered to suit you, building cheap thrills. Music of rebellion makes you want to rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Thank you. designs. You pour yourself over me like the sun through the blinds. You lift me up and get me out. Keep me walking but never shout. Hold the secret close, I hear you say. You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. It spits you out when you desire to conquer and to feel your high. To follow it, you must be clean with mistakes that you do mean. Move the heart, switch the pace. Look for what seems out of place. And turns, changing colors, spinning yarns. You know the way it leaves you dry. It cuts you up and takes you high. You know the way it's painted gold. Is it honey? Is it cold? You know the way it goes about. It takes you in and spits you out. Thank you. turning back. Flight of fancy on a windswept field. Standing alone, my senses reel. Fatal attraction is holding me fast. How can I escape this irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound distant eye. Just a earthbound distant eye.

destruction. How I tried, you became a ghost to me long before you died. tears for the ocean. Don't give me no hand-me-down shoes. Don't give me no hand-me-down love. Don't give me no hand-me-down world. I got one already. Et les Guessous, comme ça, s'en allèrent au loin dans leur prairie du Manitoba pour nous revenir une autre fois. À l'occasion de l'émission L'Opinard du Chef qui finit à l'instant, et c'est Denis Barry qui vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'ai été grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous invite, si le cœur vous en dit, à être de la partie au concert du moment présent, samedi. 20h à la salle multi du complexe Méduse avec le trio XL3. Donc, on va passer une belle soirée. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous donne rendez-vous jeudi prochain 20h à une autre émission de l'Opineur du Chef. Dans quelques instants, Jean-Sébastien Grondin et toute son équipe s'amènent avec Ton Oreille à Soif. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Au revoir.